Bonsoir à toutes et à tous. C'est le moment du journal en français de ce soir. Jean-Marie Mayonga, la présentation. Eric Kouimana sur la mise en onde les titres. 52 servitudes pénales et en dédommagement de 250 000 francs bondés. La condamnation d'un homme éducatif, Kinyami, qui a torturé un jeune homme qui lui demandait son argent. Les coupures du courant électrique au chef-lieu de la commune Erango perturbent les activités des habitants de cette localité. Et les travaux de construction d'un stade moderne et de la province Karosi sont satisfaisants après 7 ans de construction selon les autorités de cette province. Voilà pour les titres encore une fois. Bonsoir et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Voyons cette édition par la page de justice. 5 ans de servitude pénale et un dédommagement de 250 000 francs burundais. C'est la condamnation du tribunal de grande instance de Ngozi à l'endroit de l'homme du quartier Kinyami en ville de Ngozi qui a torturé un jeune homme et qui demandait à ce dernier le remboursement de son argent, une somme de 30 000 francs burundais. L'homme en question ne nie pas totalement les faits, mais reconnaît qu'il a tabassé parce qu'il lui avait volé des houes et des bidons, chose qui n'a pas convaincu le siège dans ce dossier de flagrance de ce dimanche. Le point avec Apollinaire Muzagar. Dans l'audience publique de ce dimanche, le jeune homme a reproché à son tortionnaire de l'avoir battu à coups de massue avec tous ceux qui étaient à la maison jusqu'à la perte de la connaissance. La victime indique qu'elle allait demander son argent resté lors de la vente de pagne, 30 000 francs selon lui. L'accusé, qui est d'ailleurs un des élus collinaires à Kinyami, a reconnu l'avoir tapé car ce jeune lui avait volé, selon lui, des objets ménagers, mais refuse qu'ils l'ont jeté dans un fosse. Le parquet a requis 10 ans de prison et 500 000 francs en bout de dédommagement à l'auteur de ce forfait. Après la délibération, cet homme, élu collinaire, a été condamné par le tribunal de grande instance d'Ngozi en emprisonnement de 5 ans, 250 000 francs de dédommagement, ainsi que le paiement de toutes les factures de Ngozi. Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Ils sont toujours dans le domaine de la justice. Une peine de servitude de 15 ans, une amende de 2 millions de nos francs. Telle est la peine prononcée par le tribunal de grande instance de Kayanza contre un homme habitant la ville de Kayanza attrapé dans la nuit du 22-23 dans l'importation illicite des stupéfiants quand il franchissait la frontière burundo-congolaise avec plus de 200 kg de chanvre à fumer. Le chauffeur qui conduisait le véhicule et qui transportait ce produit a été accusé de transport des stupéfiants et a été condamné à une peine de prison ferme de 5 ans et une amende de 100 000 francs burundais. Le tribunal de grande instance de Kayanza a ordonné que le véhicule de marque Probox qui transportait ces stupéfiants soit remis dans les mains du gouvernement et que ces stupéfiants soient détruits par des autorités compétentes. C'était dans un procès de flagrance de ce dimanche. Les habitants du chef-lieu de la commune Erango exerçant des activités génératrices et de revenus nécessitant du courant électrique disent qu'ils travaillent à perte à cause de la coupure intempestive de ce courant. Ils demandent au service de la régie des eaux de trouver solution à ce problème. L'administration communale Erango confirme les informations fournies par ses habitants. Deusi Babaho Kugayo, administrateur communal, fait savoir que c'est à cause des poteaux électriques qui tombent beaucoup, surtout pendant cette période de fortes précipitations. Patrick Saint-Guyon. Certains de ces habitants de la commune Erango qui disent que leurs activités sont paralysées par la coupure intempestive du courant électrique sont surtout les coiffeurs qui disent qu'avec cette coupure d'électricité, ils éprouvent d'énormes difficultés à trouver des frais de location des salons de coiffure et l'argent qui leur permet de subvenir aux besoins fondamentaux de tous les jours de leur famille. Un autre habitant de la commune Erango qui fait savoir qu'il travaille à perte à cause de cette coupure du courant électrique est un soudeur qui fait savoir qu'il peut passer au moins une ou des semaines sans qu'ils trouvent du courant pour effectuer les commandes de la population. Et c'est quoi faire à Arango de même que ce soudeur, tous demandent à la régie des eaux de trouver solution à ce problème lié à la coupure intempestive du courant en cette localité. L'administration communale Arango confirme les propos de ses habitants selon lesquels le courant électrique est un problème pour ceux qui exercent des activités qui le nécessitent. Dieu Sibaba Kubwayo, administrateur communal, précise que ce sont des poteaux électriques en bois qui ont été mal démontés par les agents de la régie des eaux et qu'en cas de vent violent, ces poteaux tombent par conséquent. Il demande que ce service de la régie des eaux soit intervenu dans de meilleurs délais. C'était coupure du courant électrique à Lango fait que selon l'administrateur communal de Lango, on ne trouve pas de la connexion internet et ainsi il fait face au retard dans la transmission des rapports à ses chefs hiérarchiques. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci à Patrick Nsengiyumva. Après 7 ans de construction du stade moderne de la province Karoussi, les autorités disent être satisfaites de l'état d'avancement de ces travaux et qu'actuellement ils sont à l'étape de la construction du tribune secondaire. De votre Nzigimana, gouverneur de cette province, lors des travaux communautaires de ce samedi organisés pour accueillir du flambeau de la paix de cette province, il a informé que le cabinet vient de lancer une nouvelle campagne de contribution pour ce mois de décembre pour la construction de cette tribune, signalant que les tôles pour la toiture sont déjà disponibles, de même que les sièges nécessaires. Blaise Pascal Kararoumé depuis Karoussi. Les responsables de la province Karoussi ainsi que la plupart de la population de Karoussi se félicitent de l'état d'avancement des travaux de construction du stade moderne en construction au chef-lieu de cette province depuis 7 ans. Ils disent être satisfaits qu'actuellement les cérémonies de fêtes nationales ainsi que d'autres fêtes de rang provincial se déroulent actuellement à ce même stade alors qu'avant, elles se célébraient dans les communes où les stades sont exigus. Lors des travaux communautaires de ce samedi, des travaux organisés pour les cérémonies d'accueil du flambeau de la paix, le gouverneur a indiqué que le cabinet du gouverneur vient de lancer une nouvelle campagne de sensibilisation pour les cotisations pour les travaux de construction de deuxième tribune, tribune secondaire. Comme l'indique Madame le gouverneur, indiquant que ces cotisations sont attendues pour ce mois de décembre prochain. Comme dans d'autres réunions comme celle tenue ce vendredi à l'intention de tous les chefs de service de la province, Nzigimana Devote a informé que les tôles nécessaires sont déjà disponibles, de même que les sièges qui sont disponibles depuis 2 ans. Il a signalé qu'il faut que les travaux de construction de ce stade moderne de Karoussi prennent fin afin que la province Karoussi puisse débuter d'autres projets de grande envergure comme l'université dans cette province, précise le gouverneur, et cela pour le développement de la province Karoussi. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Vous suivez toujours la radio Isanganiro, le journal continue. Certains hommes et femmes de Kirundo confirment que les violences basées sur le genre sont commises dans cette province du nord du pays. Ils le disent au moment où ce samedi ont été lancés les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes au niveau national. Ceux qui se sont exprimés sur nos micros indiquent que les chicaneries dans les ménages entre les conjoints témoignent cet état des lieux. Ils demandent cependant aux autorités d'éradiquer ce fléau. Suivez-les dans ces propos recueillis par Agnès Naumagadze. Dans cette province, il s'observe beaucoup de cas de violence faites aux femmes et aux hommes. Chez moi, ce n'est pas facile. Je me suis marié avec une femme qui avait un mari, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus ensemble. Certains ont subi ces violences. Cela peut être causé par la façon dont vous cohabitez avec votre partenaire. Par exemple, vous pouvez vous chamailler pour un fait quelconque. La femme peut être fautive, mais aussi le mari peut l'être. Parfois aussi, les partenaires peuvent aller chez les médiateurs culinaires pour des conseils, sans toutefois que le mari suive ces derniers. Les femmes subissent beaucoup de violences dans cette localité. Au sein des foyers, l'homme, autant que la femme, peut aller chercher l'argent de son côté. Et puis l'homme va gaspiller cet argent. Dans ce cas, la femme se débrouille seule pour subvenir aux besoins du foyer. On demande aux personnes habilitées de rester aux côtés de la population pour que chaque femme jouisse de ses droits. On demande que des personnes viennent pour étudier tous ces problèmes et enfin en trouver solution. Les gens pourront cohabiter en harmonie. Que les autorités habilitées demandent aux femmes concernées par les questions d'encourager les femmes mariées à rentrer tôt chez elles parce qu'il y a certaines qui rentrent au-delà de 22 heures en provenance de bistrot. Si à cette heure-là, elle n'est pas encore à la maison, comment elle va coordonner ou savoir ce qui se passe dans son foyer? Page d'éducation à présent, dans deux manuels scolaires d'une valeur d'environ 2 millions de francs burundais a été octroyé au lycée Rumonge ce 25 novembre et courant. C'était certain parmi les anciens de cette école et disent avoir voulu contribuer dans les résolutions des problèmes auxquels fait face ce seul lycée à régime d'internat qui compte la province Rumonge. Les élèves et la direction s'en réjouissent. C'est tout en plaisant que d'autres projets comme la construction d'une clôture nécessitent des appuis sur cette question de clôture. L'évêque du diocèse catholique de Bururi, présent dans ce lycée samedi, a promis d'appuyer à la hauteur de 10 millions de francs burundais. Le point avec Jean-Pierre Misago. Ce don de manuel scolaire remis au lycée Rumonge ce 25 novembre courant est une réponse à la demande du directeur de cette école dans l'optique de résoudre les problèmes auxquels fait face cet établissement scolaire, selon Dr Innocent Dikumana, s'exprimant au nom des anciens de cette école ayant collecté ce don. Pour lui, d'autres livres commandés, mais encore à l'imprimerie, vont bientôt leur parvenir. Le représentant des élèves a vivement salué ce geste et a indiqué que les salles de classe, les ordinateurs, les lits et les matelas sont encore insuffisants à côté de la clôture de cette école dont la construction devrait se terminer afin qu'elle cesse d'être un passage public. Deoba Kanibona, directeur de cette école, a également salué ce don. Il en a profité pour informer que l'achèvement de la construction de la clôture de cette école et la construction de 3 salles de classe pour une nouvelle section leur promise par le ministère de tutelle figure parmi les priorités. Cependant, il indique que des appuis du côté du dortoir, mais aussi de la salle informatique, sont encore nécessaires pour améliorer les conditions d'apprentissage. Monseigneur Salvatore Nicitelese, évêque du diocèse catholique de Bururi et qui présidait la messe débutant cette descente, a promis à cette école 10 millions de francs burundais avant la fin de janvier 2024 pour appuyer les travaux de construction de la clôture de cette école. Cet évêque a appelé les anciens de cette école, vieille de 36 ans, de s'unir davantage et de cette façon pouvoir appuyer cette école de façon plus consistante. C'est leur troisième descente à leur ancienne école pour l'appuyer et l'un de ses anciens du lycée Rumonge a promis un don d'une machine ordinateur. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Restons toujours dans le domaine de l'éducation à Mwaro. On parle de l'insuffisance et des lits dortoirs et signalé à l'école Test Bissoro de la commune Bissoro en province Mwaro. Régis Denis Magaritse, directeur de cette école, et dit que cet établissement manque encore 20 lits et souligne également que l'école manque aussi des locaux comme la salle polyvalente. Le point avec Laurent Dicurio. L'école technique secondaire de Bissoro, située en commune Bissoro de la province Mwaro, construite en 2013, dispose aujourd'hui de 229 élèves, dont 171 élèves internes subsidiés par l'État. Selon Egidini Magari, c'est directeur de cette école, cet établissement manque encore 20 nouveaux lits qui viendraient s'ajouter à 30 lits qui s'y trouvent. Il indique qu'aujourd'hui, certains élèves étendent leur matelas sur le sol pour dormir. Egidini Magari, c'est directeur de cet établissement secondaire Etes Bissoro, ajoute que les locaux sont également insuffisant. Il indique que l'école manque d'une salle polyvalente. La salle de réfectoire qui s'y trouve sert à la fois de chapelle pour les élèves, de salle de réunion et en même temps de salle d'examen. Il indique que cela gêne le déroulement de certaines activités et fait perdre du temps aussi. Comme chaque année, de nouveaux élèves y sont orientés, le dortoir devient exigu, surtout pour les garçons. Il indique qu'il y a un besoin d'extension de ce dortoir, surtout qu'un terrain pour la construction de ces nouveaux locaux est disponible et suffisant. L'école technique secondaire de Bissoro, située en commune Bissoro, a besoin également d'un terrain cultivable pour pratiquer l'autofinancement, selon toujours le responsable de cet établissement. De moi, Laurent Dicurio, Radio Isanganiro. Merci à Laurent Dicurio et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Ricky Imana pour la bonne collaboration technique. Jean-Marie Mayonga était avec vous à la présentation. Bonne soirée chez vous. Au revoir.